approche. Quand y'a guapo sur la prod, faut que tu t'accroches. J'ai l'impression de faire du pop rock. Valet qu'on fait ça propre. T'as le syndrome de la racroche. Toute la journée je raccroche à mon portable. Les rappeurs sont nuls à Lyon, voire insupportables. CH m'appelle, j'ai pas peur béton pour port d'armes. Tout se passe quand les gens dorment. J'ai plus peur des fantômes. Je vois différents fantômes. Quand je mélange les pailles, c'est le revers de la médaille. Tu consommes mes détails, j'ai trouvé la faille. C'est resté faille, je te fais une entaille. Si tu fais un peu trop le falla, tu consommes mes détails. C'est gênant quand t'écartes tes cuisses, toi ton regard je les déchiffre. Et dans mon récit tout me semble légitime, t'oses à langue de Chine sur ton tarpé. Déçu, très déçu, et t'as chaud. Ramène-toi papa donc l'action est échue. Et t'es très chou, en plus t'es pas chiant. Ramène-toi chez moi quand j'ai fait le pacha. Ramène-toi que je te pull up en one one. Quand je suis nu je te fais une folie anal. Tu sais le pire c'est que tu me prends pour un padawan. Un padawan, yeah. Je tire des ficelles, je mets des doigts, yeah. Et tu me gênes toi, yeah. Dans le lobby je kick Gapochi. À Toulouse ça traîne les verres, pas de toi, yeah. Je vais donner, ya. Tout en approche, je vais donner, ya. Avec Obiacé, je vais donner. Si tu continues de bouger, ton gros tarpé, ya. Je vais donner, ya. Tout en approche, je vais donner, ya. Avec Obiacé, je vais donner. Si tu continues de bouger, ton gros tarpé, ya. Quand t'es rond, ta vue, t'es plus pareil. J'suis solide, j'suis sous pollen. Sur l'instru, toi, qu'on se relaie. Elle me trouve doux quand j'la reluque. Ma chérie, choisis mieux ton look. Zonant me tout comme loup. Pas la esprit de faire comme nous. Mais finis dans des kangous. Elle veut cop, j'ai tout déballé. Choisis ton sachet, pas. Fais ça, fais sache le. Débarque en loque et ça sec. Chez Bénible, prends des socs. Concernant son, c'est des ors. J'aime pas quand voilà font les hommes. Se mélange pas, on les tape. Ce soir, chose du, je rentre ap. Ça tombe bien, son est hard. Qu'il soit mixé comme j'ai hâte. Je m'engraisse comme Gérard. C'est peu sans dans la hotte. Je m'engraisse comme Gérard. C'est peu sans dans la hotte. Je veux que des sept dans l'équipe. Zéro bec bec dans les scoops. Il vaudrait mieux qu'ils skivent. Il vaudrait mieux légitime voyager léger. Toi n'as rien enneigé. Pourquoi tu fais le PG? Va demander de bouger. Dans mon équipe sur la SNT, bouge B. T'as les monter un tocard. J'appelle quand juste direct pour un coup de main. Je suis à la tirette. J'envoie un direct. Je vais passer en direct. Non pas la télé mais autre chose. Je déborde, petit tasse. Trouve-moi en lotus. Nos on t'écrasera bien au-dessus. On voit ça de manière cossue. Dans mon futur, une bosse à cause de cette pute. Tu viens côte à côte. Elle veut des frissons. Je me défie seul. Si seulement la même énergie était à je veux jusqu'on tire dans GTA. J'étais habile avec elle. Je la pille. Elle a pillé mes happiness. Bientôt dans le Guinness, ah, wow.